Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 6 janvier 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 7 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée. Et en deuxième partie, je reçois Bruno Gollnisch. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors si je vous dis Bruno Gollnisch, un poids lourd de la fachosphère, qu'est-ce que vous me répondez ? Je rigole. Bon, c'est pas drôle. Vous désarmez l'adversaire avec le mot. Alors, il y a beaucoup de Bruno Gollnisch. Vous venez de passer un scanner, ici même sur cette antenne, il n'y a pas très longtemps. Oui, avec donc, M. Thierry Delcourt. Je suis très touché d'être aussi fréquemment invité à Radio Courtoisie. Je renouvelle mes voeux à tous les auditeurs, ainsi qu'à tous ceux qui contribuent à cette magnifique entreprise, a commencé, à tout seigneur tout à l'heure, par son président Henri de Lesquin. Voilà, alors, cette émission récente, c'était un peu tout ce que vous avez voulu toujours savoir sur Bruno Gollnisch, sans jamais oser vous le demander. Alors, nous, on va travailler aujourd'hui beaucoup plus façon laser, on va se concentrer sur quelques questions d'actualité, et surtout sur votre principale fonction. Vous êtes depuis 26 ans député FN au Parlement de Strasbourg, vous en êtes l'un des membres les plus anciens et les plus assidus, ça se vérifie dans les statistiques. Vous avez été vice-président du groupe d'amitié franco-japonais à l'Assemblée nationale. Vous avez présidé un groupe qui s'appelle ITS en 2007, cette identité, tradition... Souveraineté. Tout un programme. À Strasbourg encore. Et vous avez également... avec Jean-Marie Le Pen, lever un rassemblement des partis nationalistes européens. Bref, vous êtes l'homme, sinon de l'étranger, du moins de l'international au FN. Alors, est-ce que c'est contradictoire ? Je ne le suis plus tellement. Je ne suis plus en charge des affaires internationales. Je le regrette d'ailleurs, mais bon, je ne suis pas le président de ce mouvement et je respecte les choix de la présidence. Absolument. Ce que je voulais dire, c'est qu'historiquement, vous êtes, alors poids lourd de l'international au Front National. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cela et votre statut, votre ancien de militant nationaliste ? Ah, c'est une très bonne question. Et je crois que non. Parce que je pense qu'il y a deux formes de nationalisme. Il y a une dérive qui est, à mon avis, condamnable, qui consisterait à faire de la nation une espèce d'absolu, qui se situerait nécessairement au-delà de toute règle morale ou autre. Je dois dire que je n'ai jamais fait mien l'adage « my country, right or wrong », mon pays, qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Oui, je puis aimer mon pays, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, mais s'il a tort, je dois m'efforcer quand même de faire en sorte qu'il emprunte la voie que je crois conforme aux exigences de la morale et de l'intérêt général. Et puis, il y a une autre forme qui, elle, me semble-t-il, est tout à fait légitime, qui est tout simplement l'amour de préférence pour sa patrie, sa nation. Et cela, d'ailleurs, avait été très bien dit dans un message d'un ancien cardinal archevêque de Paris, aujourd'hui un peu oublié, il est décédé depuis très longtemps, le cardinal Felletin, qui avait eu un très beau texte de justification morale de ce qu'on appelle, après tout, la préférence nationale, en disant il est assez naturel d'aimer par préférence sa nation. Et alors, si l'on découvre d'autres nations, d'autres cultures, d'autres civilisations, ce qui, c'est vrai, m'a toujours intéressé et fasciné, eh bien, on apprend à les aimer aussi, mais on acquiert ce que j'appellerais la vision en relief de son propre pays. Par exemple, votre épouse est japonaise, vous avez fait de nombreux séjours au Japon, vous êtes professeur japonais, etc. Est-ce que ça vous a donné de la France une image différente? Oui, bien sûr. D'abord parce que, vu du Japon, on s'aperçoit que la France, qui est certes, comme le disait en termes très éloquents tout à l'heure, notamment Henri de Lesquin, un très grand pays, une très grande culture, une très grande civilisation, c'est quand même pas si grand que ça. Je parle sur le plan spatial, temporel, économique, ou de son poids politique. Voilà. Mais quand même, qu'elle conserve un prestige, notamment d'ailleurs par sa culture dans ce pays. Et puis on s'aperçoit aussi que précisément, la France est aimée et appréciée pour toutes sortes de choses, et pas seulement pour ses bons vins, parfums, ou pour la personnalité très populaire au Japon d'acteurs comme Alain Delon ou autres, mais parce qu'on y voit un pays de grande culture et avec une histoire prestigieuse. Et j'ai toujours été assez ému de voir ces étudiants et étudiantes, beaucoup, d'ailleurs, plus d'étudiantes que d'étudiants japonais qui se pressaient dans l'équivalent de nos alliances françaises pour apprendre notre langue, pour apprendre notre culture. J'ai toujours craint aussi qu'ils ne soient un peu déçus en venant en France. J'ai quelques anecdotes à ce sujet en découvrant malheureusement l'état, notamment d'insécurité, par exemple, dans lequel notre pays est tombé. Mais on s'aperçoit aussi des erreurs de notre société. Par exemple. Ce que Solzhenitsyn appelait très justement l'hypertrophie de l'individualisme, dans lequel ce rescapé du totalitarisme soviétique voyait quand même l'une des menaces qui pesait sur la civilisation occidentale. C'est vrai que quand on est au Japon, on n'est plus dans un pays où la révolution est laissée comme trace essentielle la revendication perpétuelle des droits. On est dans un pays où le confucianisme a laissé comme empreinte la reconnaissance des devoirs. D'accord. Et ça, c'est extraordinairement intéressant. Fort. C'est extraordinairement intéressant parce que je pense que c'est précisément ce qui fait la force, notamment de ces civilisations que j'appellerais du monde confucéen, c'est-à-dire ces civilisations qui se sont quand même abreuvées à la source mère, la civilisation chinoise, même si le Japon est sensiblement différent et tient évidemment à son identité très différente de celle de la Chine, mais tout de même dans toute cette sphère qui a aussi participé de l'écriture idéographique, même le Vietnam, qui même si le vietnamien s'écrit aujourd'hui en caractère latin, alors je pense à la Chine, je pense à la Corée, au Japon, dans une moindre mesure à certains pays d'Indochine, et à Hong Kong évidemment, Singapour, etc. Il y a cette notion des devoirs et d'une société hiérarchique, mais qui, pour être hiérarchique, n'est pas nécessairement oppressante ou oppressive. Je trouve que les ouvrages d'Amélie Nothomb, pour talentueux qu'ils soient, sont exagérément caricaturaux. À l'égard notamment de la société japonaise. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand je suis arrivé au Japon, j'étais étudiant. J'avais été admis à cause des accords culturels et du fait que j'étais boursier du ministère des Affaires étrangères français en deuxième année de doctorat à la faculté de droit de l'université de Kyoto, qui est une université japonaise assez prestigieuse. Et dans cette région, qui est la deuxième grande région du Japon, un peu l'équivalent chez nous de la région Rhône-Alpes, qui comprend Kyoto, Osaka, Kobe, que les Japonais appellent le Kansai, tous les universitaires spécialistes de droit international se retrouvaient tous les samedis après un petit repas pour entendre les exposés de deux d'entre eux, les commenter, exposés qui étaient d'ailleurs généralement des commentaires de publications occidentales. Bon, ce petit groupe était extrêmement actif et hiérarchisé. Et j'ai mis un certain temps à comprendre que j'étais le numéro 22 bis. Vous voyez, au sommet, il y avait le grand professeur des universités impériales à la retraite, etc. Puis les professeurs des autres universités moins prestigieuses, puis les maîtres de conférences, les assistants, etc. Et puis, après moi, il y avait des étudiants plus jeunes en maîtrise, en licence. Et alors, voyez-vous, en japonais, il y a plusieurs degrés de politesse dans la langue japonaise qui s'exprime par la terminaison des verbes, enfin, de différentes façons, aussi par des épithètes au nom. Par exemple, monsieur, madame, mademoiselle se dit sang. Si vous voulez être très poli, sama. Si vous, à l'égard d'un homme plus jeune ou du même âge que vous, kun. Voilà. Mm-hmm. Moi, je parlais toujours la langue polie avec tout le monde. Et j'ai compris au bout d'un certain temps que ça n'était pas adéquat, qu'il fallait que je m'exprime en japonais un peu plus familier avec ceux qui étaient plus jeunes que moi. Sinon, c'était en quelque sorte leur manifester de la distance. Alors voilà, j'ai dit numéro 22 bis. Pourquoi 22 bis ? Parce que j'avais un camarade qui s'appelait Ida, et qui est toujours un ami, qui est maintenant un grand professeur très réputé, qui était du même âge que moi, du même niveau, de la même deuxième année de doctorat, et qui avait été étudiant à Nancy, de surcroît, il connaissait très bien le français. Alors, avec lui, j'étais en situation d'égalité. C'était le seul. Les autres étaient soit mes supérieurs, auxquels je devais un certain nombre de formes de respect, de dévouement, de loyauté, que j'ai conservé d'ailleurs, ou alors des plus jeunes, des cadets, qui, à partir du moment où je les reconnaissais comme faisant partie de mon groupe, en m'adressant à eux familièrement, pouvaient me demander un certain nombre de services, notamment, par exemple, des renseignements, s'ils avaient l'intention de voyager en Occident. Eh bien, je ne veux pas être trop long sur ce sujet, mais toute la société japonaise fonctionne comme ça. C'est une société féodale, c'est-à-dire reposant sur des relations personnel et hiérarchique d'allégeance, mais moderne. Voilà. Et je dois dire que c'est très agréable. Et alors, c'est parfois très agréable parce que voyez-vous, quand je rencontre aujourd'hui, par exemple, des parlementaires japonais, je connais très bien le personnel politique japonais, puisque je fais partie depuis très longtemps de délégations parlementaires chargées des relations avec ce pays, eh bien, si nous avons été étudiants de Kyoto des mêmes maîtres, immédiatement, il s'établit entre nous une complicité qui est typique des réseaux qui animent cette société. D'accord. Alors, vous vous souvenez peut-être d'Edith Cresson, qui était une des premières ministres les plus coruscantes de Mitterrand, et qui disait que les Japonais étaient des fourmis. Alors, eux, ils nous voient un peu comme... Qui vivaient dans des cages à lapins. Des fourmis dans une cage à lapins. Il y en a beaucoup. Ça loge. Ils vivaient dans des cages à lapins et travaillaient comme des fourmis. Et nous, ils nous voient un peu comme une pétaudière. Une pétaudière d'individualiste. Assurément. Ce propos de Mme Cresson était malheureux, je crois, parce qu'il était un peu sommaire. Je n'ose pas dire qu'il était raciste. Ça, c'est ce que non, sommaire est mieux que raciste. L'accusation de racisme était très souvent ridicule et exagérée. Mais il était sommaire et il a été mal perçu au Japon. Il était mal perçu pour une raison très précise. C'est que la fourmi, qui pour nous est un animal quand même plutôt sympathique, enfin en tout cas travailleur et sérieux. Ordonné. La fable de la cigale et la fourmi, c'est quand même la fourmi qui a eu raison de travailler, tandis que la cigale dépensait tout en été et se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Bon, mais au Japon, la fourmi, c'est un endroit qui va qui fréquente les endroits gras, se nourrit des déchets ménagers, etc. C'est un animal assez un peu répugnant. La fourmi. Alors, ça avait été assez mal perçu, c'est vrai. Dites-moi, revenons en Europe, et toujours parmi les paradoxes, est-ce que vous êtes donc un des piliers du Parlement européen? Et pourtant, si j'étais un pilier du Parlement européen, je ferais comme Samson, c'est-à-dire que je m'efforcerais de m'effondrer pour que la toiture... ce qui a failli arriver, d'ailleurs, le toit du Parlement européen... À Bruxelles. À Bruxelles. A failli s'effondrer, oui. Mais est-ce que c'est tout de même pas paradoxal, étant donné que, quand même, le Front National a la réputation d'être contre l'Europe? Ah, voilà une objection qui nous est souvent faite par nos adversaires, et notamment, et je mets juste de dire ça à un journaliste, mais par les médias, et spécialement d'ailleurs par les médias étrangers, et notamment anglo-saxons, que je considère quand même pas parmi les plus agréables. Alors, il dit, je me souviens que quand nous avions réussi, il y en a un maintenant, mais dans une précédente mandature, à faire un groupe parlementaire, ce qui donne effectivement des moyens supplémentaires, enfin des moyens en assistant, des moyens de communication, etc. Bon, et donc forcément des dotations financières. Il n'y a pas. Oui. Bon, à s'en cacher. Eh bien, les journaux, les radios, les télévisions venaient absolument indignés, me disaient mais comment vous êtes contre l'Europe et vous allez bénéficier, nous avons calculé, etc., vous allez bénéficier de temps, de l'argent de l'Europe. Alors, je leur disais plusieurs choses. Je leur disais d'abord, je ne suis pas contre l'Europe en tant que réalité géographique. C'est aussi absurde d'être contre l'Europe géographiquement, que ce serait comme si un État africain était contre l'Afrique ou un État asiatique contre l'Asie. Je suis contre l'évolution dramatique de l'Union européenne en une espèce de super-État qui accable de charges, de normes, de règles, de contraintes ses membres et un espace que dans le même temps, elle ouvre à la concurrence sauvage de pays qui n'ont ni règles, ni normes, ni contraintes. Voilà. Donc je suis opposé à l'évolution actuelle de l'Union européenne. Je ne suis pas contre l'Europe en tant que réalité culturelle ou patrimoine commun d'un certain nombre de peuples, quels que soient par ailleurs leurs très réelles différences. Bon. Deuxièmement, je n'utilise pas l'argent de l'Europe. Il n'y a pas d'argent de l'Europe. Il y a de l'argent des contribuables, des États membres de l'Union européenne. Jusqu'à présent, ces contribuables étaient obligés par leurs impôts de financer l'action politique de gens qu'ils désapprouvent. Eh bien, pour une fois, leurs impôts vont servir à financer les gens qui les défendent et avec lesquels ils sont d'accord. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a là d'immoral. C'était la situation antérieure qui était tout à fait immorale. Troisièmement, je tiens mon rôle d'opposant. Et nous n'avons pas de prébende particulière. Nous sommes absolument à égalité. Enfin, nous aimerions être à égalité avec nos adversaires. Et nous sommes les avantages qui nous sont chichement mesurés et toujours sous l'œil d'une censure suspicieuse qui ne s'exerce qu'à notre égard, qu'il s'agisse des assistants, qu'il s'agisse de toutes des facilités auxquelles nous devrions avoir droit, eh bien, ces avantages sont exactement les mêmes, en théorie, que ceux de nos adversaires. Alors, je suis dans la situation des opposants. Personne, on sait très bien que sous la République, il y avait des monarchistes. Sous la Restauration, il y avait des partisans de Bonaparte, de Napoléon. Sous le Second Empire, sous Napoléon III, il y avait des députés républicains. Au corps législatif du Second Empire, les députés républicains, c'était une poignée. On aurait pu leur dire, mais comment ? Vous êtes député, vous percevez une indemnité, vous siégez au corps législatif de l'Empire alors que vous êtes contre l'Empire. Oui, aurait-il répondu, parfaitement, parce que nous voulons le combattre de l'intérieur. Et quand l'Empire s'est effondré après le désastre de Sedan le 4 septembre, eh bien c'est cette poignée de députés qui a proclamé la République sur les marches de l'Hôtel de Ville. Moi j'aspire à proclamer la liberté, l'indépendance, retrouver des nations européennes. Sur les marches du Berlaymont à Bruxelles ou sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg. D'accord. Mais alors, quelle Europe souhaitez-vous ? Une coopération européenne est tout de même possible, elle peut même être fructueuse, éventuellement, sans entrer dans ce que vous appelez l'Europe fédérale et centralisatrice. Oui, mais alors, précisément, ce qui est extraordinaire, c'est que les coopérations européennes qui fonctionnent, et il y en a quelques-unes, quand même, ne doivent rien au système de Bruxelles. Ce qu'on nous ressort pratiquement à chaque campagne électorale européenne, c'est Airbus, c'est la fusée Ariane. Oui. Or, Airbus, c'est pas du tout le système de Bruxelles. Airbus est un consortium de divers avionneurs, comme on dit, d'industriels de l'aéronautique européens qui ont fait ensemble une filiale commune, une joint venture, dans laquelle chacun apporte une part du capital et surtout son savoir-faire et fournit des pièces pour ces avions qui sont assemblés à Toulouse. Très bien. Bon, la fusée Ariane, c'est un peu pareil. C'est lancé depuis la Guyane parce que cette proximité de l'équateur fait que ce territoire français d'outre-mer est une base favorable. Nous y avons notre savoir-faire, nos ingénieurs, notre technique, et d'autres pays européens y contribuent. Mais ça n'a rien à voir avec le système de Bruxelles. On pourrait ajouter, par exemple, je l'ai visité avec Jean-Marie Le Pen, cet extraordinaire lieu de recherche qui est le CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, qui fait des recherches sur la structure de la matière, sur l'atome et même sur les éléments plus petits que l'atome, les protons, le boson de Higgs, les particules élémentaires. Voilà, je n'étais pas très bon en physique au bac et mais je n'ai pas continué. Mais ou Houellebecq, alors. Voilà, et ceci dans un anneau de 40 kilomètres, je crois, de circonférence sous les territoires français et suisses. C'est un organisme spécifique qui a été conçu pour la circonstance. Et moi, je crois que ce qui marche, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire, ce que j'aurais souhaité, et il est tard maintenant, c'est que l'Europe fonctionnât par programme. Voilà, par programme. C'est-à-dire, un objectif précis. Voilà ce que l'on veut faire. Il y en a quelques-uns quand même, il n'y a pas grand-chose, mais il y en a quelques-uns. Il y a le programme Erasmus, bon, des échanges d'étudiants. Bon, j'ai dirigé une faculté où on enseignait 27 langues étrangères. Bon, sans compter le français qui était peut-être une langue un peu étrangère, même à beaucoup de français de souche. Bon, fermons la parenthèse. Bon. Oui. Et c'est pas anormal que les étudiants d'espagnol aillent passer 6 mois à Madrid et que les étudiants espagnols apprenant le français viennent passer 6 mois à Lyon. Bon, et qu'on les y aide si les moyens de leurs parents sont modestes. Bon, ça, c'est le programme Erasmus. Bon, il y a d'autres programmes. Le programme Galileo, qui visait à nous doter, nous, Européens... Celui-là. Hein. Il traîne beaucoup, d'un système de positionnement par satellite, GPS, oui. Indépendant des États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas? Bon, c'est même très bien. C'est même très bien. C'est même tellement bien que ça ne voit pas tellement de jour. Donc, il y a dans le domaine des communications, dans le domaine des transports, etc., on pourrait avoir des projets, des programmes. Mais dans ces programmes, il faut qu'on sache ce que l'on veut faire. Il faut qu'on dise combien ça va coûter, de telle façon que les peuples, les citoyens, sachent exactement quel sera le bilan coût-avantage. Voilà, pour réaliser telle chose, on va dépenser tant d'argent, et à l'arrivée, ils peuvent savoir si le budget a été dépassé, si ça valait la peine ou pas. Là, ils peuvent réellement juger de l'opportunité des politiques suivies. Tandis que, à l'heure actuelle, ce qu'on met en place, c'est une espèce de super-État monstrueux qui prétend gérer la vie politique, économique, sociale, culturelle, sexuelle, je n'exagère pas, de 450 millions d'Européens dans à peu près tous les domaines et dans les moindres détails. Oui, mais alors je vous coupe là, parce qu'il y a quand même... Vous souhaitez finalement revenir alors à une Europe des nations. Vous inversez tout le processus. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que la nation a un avenir? Est-ce que c'est quelque chose de moderne ou au contraire, quelque chose de dépassé comme beaucoup de gens le pensent et le disent? Alors, d'abord, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si l'Union européenne actuelle est réformable. J'en doute de plus en plus. Je ne suis pas le seul à en douter, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut dire, puisque vous savez que maintenant, quand on parle du Brexit, c'est-à-dire de la sortie éventuelle de la Grèce, de la Grande-Bretagne, etc., ce sont des perspectives qui ne font plus rire personne et qui sont extrêmement sérieuses. Il y a un mécontentement des peuples. Ce mécontentement est légitime. Si on ne change pas très rapidement et à 180 degrés d'orientation, je pense que le système va exploser parce que la grenouille a voulu se faire aussi grosse que le bœuf. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que d'une certaine façon, je suis plus européen que les européistes. C'est-à-dire ? Parce que, ben oui, parce que qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Dans l'histoire de l'humanité, quel est l'apport de l'Europe au droit des gens, au droit des nations ? Ben c'est précisément d'ailleurs ce droit des gens, ce droit des nations. C'est-à-dire la conception qu'il peut y avoir des relations d'égalité entre les différents peuples, les petits comme les grands, que chacun peut être maître chez soi. Que il n'y a pas de soumission nécessaire des faibles aux puissants. Les premiers samouraïs japonais qui sont venus au XIXe siècle en Europe, ils ont été stupéfaits de constater que le Portugal, qui est plus petit, plus faible que l'Espagne, vivait en paix depuis des siècles à côté de son puissant voisin. Et ça, c'est l'Europe, c'est le droit des... Absolument. C'est le juridique. C'est ce qu'on appelait le droit des gens européens, qui est devenu le droit international moderne, qui a inventé un certain nombre de principes, l'égalité souveraine des États. Les États sont égaux. Le Luxembourg, il a voix au chapitre, il a une voix à l'Assemblée générale des Nations Unies, comme la Chine, même s'il n'a pas de place au Conseil de sécurité. C'est le principe. Si vous recevez l'ambassadeur du Luxembourg et l'ambassadeur des États-Unis, ce n'est pas forcément l'ambassadeur des États-Unis que vous allez mettre à droite de la maîtresse de maison. Vous allez d'abord regarder lequel a été le plus anciennement nommé dans sa fonction, et c'est celui-là que vous mettrez à droite, et c'est celui du Luxembourg que vous mettrez à droite s'il a présenté ses lettres de créance avant l'ambassadeur des États-Unis. Mais aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait évident, tout ça, comme le classement des États à l'ONU par liste alphabétique. Vous savez, j'ai vu, j'étais jeune député, j'étais à la Commission des Affaires étrangères, c'est un peu un cimetière des éléphants, il y a des gens prestigieux, il y avait Jean-Marie Le Pen, il y avait mon ami Michel de Rostelan, mais il y avait Raymond Barre, il y avait Valéry Giscard d'Estaing, il y avait Roland Dubolin, il y avait, oui. De droite comme de gauche. Et avec un de mes collègues, on m'avait délégué à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ben, c'est quand même assez impressionnant et assez intéressant de siéger parmi les quatre membres de la délégation française, à tour de rôle, hein, bien sûr, dans cette enceinte où vous voyez que ben, les États sont sur le même plan et classés par liste alphabétique, ce qui donnait lieu à des rapprochements assez originaux, par exemple Irak, Iran, Israël, alors que l'Irak et l'Iran se livraient une guerre féroce depuis des années, et leurs délégués étaient obligés de se côtoyer, tournaient la tête pour ne pas trop se regarder, et puis Israël qui était en butte à l'hostilité des deux premiers. Voilà. Bon, si deux navires se croisent aujourd'hui en haute mer, deux navires de guerre... Bon, eh bien, à l'heure où je vous parle, je suis persuadé que ça se passe quelque part, eh bien, quel est le premier qui va saluer l'autre ? Saluer en abaissant le pavillon, l'équipage au garde à vous, et le clairon sonne, les officiers saluent. Bon, quel est le premier qui va le faire ? Eh bien, pour trancher cette question, il y a eu des guerres terribles au XVIIe siècle. Eh bien, finalement, on s'est dit, c'est celui qui sera commandé par l'officier le moins gradé ou à égalité de grade, par le plus récemment nommé qui saluera le premier. Et je l'ai vu faire quand j'étais aspirant de marine ou jeune ancien de vaisseau, à la passerelle de commandement des navires, j'ai vu entrer en relation radio quel est le grade de votre commandant, puis on se précipite sur des tables de concordance pour savoir lequel on salue le premier. Et ça ne dépend plus de la puissance maritime de l'état du pavillon. Eh bien, ça, ce principe d'égalité des États, de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, c'est un principe qui est né de la civilisation européenne. Parce que géographiquement, l'Europe, c'est une petite péninsule à l'extrémité du continent asiatique. Mais c'est un foyer de civilisation incomparable. Et c'est l'espace qui a inventé ça. D'accord. Partout ailleurs, dans les autres civilisations, la civilisation musulmane, c'est le califat, c'est le mythe du califat. La civilisation chinoise, tout doit être soumis à l'empereur. L'empereur, par cercle concentrique, l'empereur est le fils du ciel. Hein, et tout le monde doit lui faire allégeance, ce qui a été le... Et les ambassadeurs viennent apporter, théoriquement, les ambassadeurs étrangers sont là pour apporter la soumission de leur maître, ce qui a été une des causes des grands malentendus entre le monde occidental et la Chine au XIXe siècle. C'est amusant ce que vous dites là, parce que votre thèse de droit a bien porté, si je ne me trompe, sur l'ouverture du Japon aux droits des gens européens. Donc oui, absolument. Oui, oui. Et ce qui est encore plus amusant, c'est que votre arrière-grand-père, si je suis bien informé, qui était Émile Flourens, oui, qui a été ministre des Affaires étrangères à un moment donné, mais qui a été ensuite député, avait fait un rapport sur la question modifier les traités entre le Japon et l'Occident. Oui, sur l'abolition des traités inégaux. Qu'est-ce que c'est que les traités inégaux ? Alors, les traités inégaux, je ne vais pas vous résumer ma thèse, d'ailleurs, j'en ai conservé un souvenir très précis, elle a fait 800 pages. Non, mais en gros. En gros. Voilà. Vous aviez, au départ, le droit international, c'est le droit européen. C'est le droit des nations chrétiennes. D'accord. Et c'est le droit des gens européens. Gens venant du latin gens, c'est-à-dire des peuples. Ce n'est pas le droit des individus, le droit des gens européens. Bon. Et ce droit des gens européens, il est limité à l'Europe, comme le nom l'indique. Mm-hmm. Bon. Par la suite, il va s'étendre aux Amériques, lorsque les colonies d'Amérique du Nord et du Sud vont prendre leur indépendance. Mais ça reste limité à ce club. Il y a une exception. Et le reste du monde, ben, on l'ignore, ou on le combat, ou on le domine. C'est le phénomène de la colonisation. Bon. Sauf que il y a évidemment cette confrontation déjà avec le monde musulman. Et François Ier rompt, si vous voulez, l'affrontement et trouve un modus vivendi avec Soliman le Magnifique, qui est à l'époque un homme extraordinairement puissant. Et Soliman le Magnifique accepte ce qu'on appelle la juridiction consulaire. C'est-à-dire, après tout, le droit musulman étant réservé aux croyants, que les chrétiens qui sont dans l'Empire ottoman fassent juger leur contentieux par des consuls venus de France, qui sont chrétiens comme eux, pourquoi pas ? D'accord. Et c'est une des concessions que fait Soliman le Magnifique à l'époque où la Turquie est au fait de sa puissance. Sauf que cette puissance va décliner progressivement et que ce système va aboutir en pratique à priver l'État, par exemple l'État turc en l'occurrence, de toute juridiction sur les Occidentaux. Ce qui veut dire un petit peu que les Occidentaux, ils vont faire un peu ce qu'ils veulent. Et ce système va être étendu aux relations avec le Maroc, avant le protectorat, avec la Perse, c'est-à-dire l'Iran actuel, avec le Siam, c'est-à-dire la Thaïlande actuelle, avec la Chine et avec le Japon. Et le Japon, qui, au milieu du XIXe siècle, est encore un État féodal, ça ne le gêne pas beaucoup, parce que c'est vrai que quand un samouraï se comportait mal, on le remettait aux autorités de son fief, qui s'empressaient de le punir pour éviter d'être considéré comme collectivement responsable, pour dégager leur responsabilité. Donc ce système ne gênait pas beaucoup les Japonais. Et puis ils vont s'apercevoir que le moindre escroc, le moindre bandit, le moindre proxénète, qui habite Yokohama, qui habite Kobe, etc., échappent à leur juridiction, qu'ils ne peuvent pas le juger eux-mêmes, qu'ils ne peuvent être traduits que devant les consuls de son pays, qui sont très indulgents. Ils vont se rendre compte que ce système est finalement un système qui a été adopté par méfiance envers leurs propres droits. Leurs droits traditionnel, assez sévère, il faut bien le dire, bon, et assez cruel. Et ils vont en ressentir une profonde humiliation. Ils vont s'efforcer de moderniser leur pays, de moderniser leur système juridique. C'est l'ère Meiji. Et d'obtenir l'abrogation des traités inégaux. Qui en fait, brisaient leur souveraineté, c'est absolument. Ça. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui, si on transposait... Ça la bridait, en tout cas. Oui, pas, ça la brimait, certainement. La brimait, voilà, oui. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui, nous en Europe, soumis à, je pense comme ça, à des traités inégaux pas sur le plan du droit. Si, quand on voit l'installation de certaines réalités étrangères chez nous qui ne se soumettent plus au droit français, mais qui se soumettent à la charia, par exemple. De fait, oui. Oui, mais là, la faute principale en est à nos dirigeants, qui le tolèrent alors qu'ils pourraient très bien ne pas le tolérer. La France tolère sur son territoire toutes sortes de choses qui, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle mon épouse, quoique d'origine étrangère, comprend très bien mon engagement, parce que dans son pays d'origine, le Japon, on ne tolérerait pas ce que l'on tolère en France. Enfin, quand vous pensez que M. Sarkozy, qui maintenant veut en rajouter sur les histoires de déchéance de la nationalité, etc., se refusait sitôt son élection... à ce que les délinquants étrangers, fussent-ils multirécidivistes, soient expulsés du territoire français. Mais moi, si au Japon, mes gosses, je n'avais pas d'enfants à l'époque, et je n'étais même pas marié, et je ne connaissais pas encore ma future épouse. Que vous avez connu en France. Que j'ai connu en étudiante. France. Que j'ai connu en France. Erasmus. Non, ce n'est pas dans ce cadre-là, mais que j'ai connu en France, 5 ans après mon retour en France, et... en France, où elle étudiait effectivement la langue et la civilisation française. Elle faisait partie d'un milieu d'amis japonais que je fréquentais à Paris. Mais toujours est-il que si au Japon, par exemple, j'avais séjourné au Japon et si mes enfants s'étaient amusés à détériorer des voitures, à houspiller des pompiers, à insulter des policiers, etc., j'eusse été aussitôt convoqué par les services de l'immigration qui m'aurait dit: Monsieur Golich, on vous aime bien, enfin votre progéniture trouble notre ordre public, nous avons pris contact avec votre consulat, vous serez gentil, vous avez 15 jours pour quitter le pays par l'avion de Paris, voilà, et puis c'est terminé. Bon, donc ce qu'on tolère aujourd'hui, c'est de la faute de nos dirigeants. Maintenant, il y a quelque chose qui me rappelle les traités inégaux, c'est notre asservissement économique. Parce que dans les traités inégaux du XIXe siècle, imposés aux pays d'Orient, qui étaient quand même un moindre mal, parce qu'on les reconnaissait quand même comme une entité internationale, comme un État qu'on ne devait pas coloniser, qu'on ne devait pas envahir, qu'on ne devait pas occuper. Vous pensez à l'OMC, au traité transatlantique ? Oui, absolument. Dans ces traités inégaux, il y avait des clauses commerciales, notamment ce qu'on appelait la clause de la nation la plus favorisée. Oui, C'est-à-dire qu'une fois pour toutes, ces pays s'étaient engagés, pardon, vis-à-vis de la France, à lui consentir tout avantage, en matière notamment d'abaissement des droits de douane, tout avantage qui aurait été consenti à n'importe quel autre pays. Bon, autrement dit... Il y a un traité commercial avec la France, les exportations de vin français, mettons au Japon, sont taxées à 30%, mais si demain on accepte que les exportations de vin italien ne soient plus taxées qu'à 20%, cette mesure bénéficie automatiquement et sans autre forme de procès et sans avoir à fournir de contrepartie à la France. Eh bien, c'est ce système aussi que les Orientaux, à juste titre, ont considéré comme tout à fait dangereux pour leur économie, parce qu'elle empêchait leur économie de se développer à l'abri d'une protection raisonnable, alors qu'ils étaient en retard par rapport au monde occidental et qu'elle avait besoin de protection. Eh bien, c'est ce système que, artificiellement, nous avons reconstitué à notre détriment. Cette fois. Via l'Europe, qui a totalement, l'Union européenne a totalement trahi ses engagements, parce que la liberté de circulation des marchandises entre pays de l'Union européenne, c'est-à-dire entre pays ayant à peu près le même niveau de développement économique et social, le même niveau, en gros, de salaire, en gros, il y avait des exceptions, l'Italie du Sud, etc., mais on pouvait espérer la corriger. Mais justement, il y avait des systèmes de péréquation. Voilà, on espérait corriger ces inégalités régionales, et quand on était qu'à 6, c'était tout à fait concevable. Voilà. Cette liberté de circulation des marchandises supposait évidemment que ce nouveau marché, ce marché unique européen, soit protégé sur son pourtour. Il soit protégé par un tarif douanier à l'égard du reste du monde. Qui s'appelait tarif douanier extérieur commun. Absolument. Absolument. Or, à partir du moment où on s'est inséré dans l'Organisation mondiale du commerce, on a accepté une baisse indéfinie de nos droits par rapport à l'extérieur, et on a livré ce marché sans défense à la concurrence de pays qui, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas du tout les mêmes normes, les mêmes règles et les mêmes contraintes que nous. Et c'est de cette situation suicidaire mais délibéré, qui fait quand même un petit nombre de bénéficiaires et de profiteurs, notamment dans le domaine financier, mais c'est cela qui ruine notre industrie. Ça a ruiné totalement notre industrie textile. Il n'y a plus d'industrie textile. Ça a ruiné pratiquement notre industrie sidérurgique. On a fait, soi-disant, l'Europe, la première forme d'Europe, c'est la CECA. C'est la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Résultat, il n'y a plus de charbon, il n'y a plus d'acier. Hein. Voilà. S'il y a encore... Je sais pas, c'est ce qui subsiste d'ArcelorMittal chez nous, bon, enfin, qui est pas grand-chose, propriété, non, ouais. d'une société néerlandaise détenue par un magnat indien. Voilà. Voilà. Ce qui reste une industrie nationale de l'acier en France. Bon. Et tout à l'avenant, nous avons perdu en 20 ans la moitié de notre potentiel industriel. C'est une situation dramatique. Mais ça, il y a quand même des responsables et qui sont coupables et qui mériteraient d'être fusillés. Oui, c'est brutal, mais c'est juste. Mais alors, est-ce que le traité transatlantique va accélérer encore le mouvement ? Oui, bien sûr. En quoi faut-il vraiment essayer de, au moins d'attirer l'attention des Français sur lui ? Eh bien, je crois qu'il faut lire votre excellent ouvrage, mon cher Martin. Nous ne sommes pas concertés, c'est pas un renvoi d'ascenseur qui s'appelle un peu brutalement, mais enfin, les titres sont toujours une accroche. 20 bonnes raisons d'être anti-américain. On ne parle que de livres. Et on sera parfaitement éclairé sur le sujet. Également, il y a également, je crois. Est-ce que c'est Alain de Benoît qui a écrit, ou dans sa mouvance en tout cas, qui a écrit un livre contre ce traité que je n'ai pas encore lu, mais que je m'apprête à lire. Ben, je crois que dans le principe, si vous voulez, nous avons démontré notre faiblesse. À l'égard face aux États-Unis d'Amérique, contre lesquels nous sommes incapables de la moindre autonomie, à l'égard desquels nous sommes incapables de la moindre autonomie, ni politique, ni diplomatique, ni judiciaire, ni stratégique, enfin, dans à peu près aucun domaine. Et évidemment, il y a tout lieu de penser qu'il en sera de même dans le domaine commercial. Voilà. Même plus vite, plus vite. Le dernier exemple en date monstrueux, à mon avis, monstrueux, et que je suis l'un des rares avec mes amis du Front National à évoquer, mais sur lequel il faudrait revenir, étant l'incroyable spoliation de la banque BNP Paribas, à laquelle il a été procédé par l'administration américaine, sans même que M. Hollande, ainsi que je le lui ai rappelé quand il est venu au Parlement européen, publiquement, et prononcer ne serait-ce qu'un mot de réprobation. Et je vous rappelle que au motif que BNP Paribas, banque française, ou plus exactement que la filiale suisse, la filiale suisse de cette banque française, donc élément qui échappe en principe totalement à la juridiction américaine, avait consenti des prêts ou effectuer des transactions financières avec des États qui faisaient l'objet d'un embargo de la part des USA, le BNP Paribas s'est vu infliger une amende de 9 milliards d'euros, sa direction, les pouvoirs publics français, s'étant... 9 milliards de dollars, pardon, je crois que ça doit faire 7 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Tout le monde s'est encouché. Pas un mot de protestation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de cette somme. C'est celle que M. Macron prétend économiser en supprimant les notaires, etc. Enfin, et sur le plan des principes, c'est encore plus grave qu'un État soit en même temps le juge des pratiques et le bénéficiaire. Bien sûr, mais que les États-Unis d'Amérique condamnent des sociétés américaines se trouvant sur leur territoire qui auraient enfreint les lois américaines, ça peut se comprendre. Mais et je crois savoir d'ailleurs que les USA s'apprêtent à recommencer. Ils s'apprêtent à recommencer avec le Crédit Agricole. Pourquoi gêner ? Et puis il y a l'affaire Volkswagen aussi. On peut penser tout ce qu'on veut de Volkswagen. Je ne défends pas la façon dont ils ont procédé, mais que encore une fois ils soient jugés aux États-Unis. Alors qu'on sait pourquoi les États-Unis le font en plus, parce que le premier, il allait passer premier constructeur mondial. Enfin, c'est comme cousu de fil blanc. Que font Angela Merkel et François Mitterrand, un peu Mitterrand, François Hollande? Ils ne font rien et je dois dire que notre asservissement, c'est pas aux États-Unis d'Amérique, rien à mon avis ne le montre davantage que l'affaire, que le traitement que nous réservons, traitement indigne que nous avons réservé à deux personnes qui ont brisé le mur du silence, qui sont Edgar Snowden et Julian Assange. Qui ont révélé, chacun dans un domaine différent, l'étendue de l'espionnage américain à notre détriment. Edgar Snowden est un homme jeune, ancien de la CIA. Qui nous a renseigné sur cet espionnage. C'est-à-dire qu'on devrait l'accueillir, on devrait lui tresser des lauriers, on devrait l'installer dans une résidence de fonction et continuer d'ailleurs à le faire interroger par nos services. En assurance, en protection. Voilà, et en assurance, en protection. Or, il n'a trouvé de refuge qu'en Russie. Il avait demandé, je vous rappelle quand même cet incident, qui est extrêmement grave, du 3 juillet 2013. De quoi s'agit-il? Le président bolivien Evo Morales est en voyage à Moscou. Et le bruit court, que au retour de Moscou, il aura dans son avion Edgar Snowden, auquel il va accorder dans son pays, la Bolivie, l'asile politique. Eh bien, tous les États européens, et la France en premier, vont se coucher et refuser le passage de l'avion présidentiel sur la seule rumeur, fausse d'ailleurs, qu'Edgar Snowden pourrait être dedans. Autrement dit, non seulement nous n'avons pas accordé l'asile, mais nous empêchons qu'on lui accorde l'asile. Tout ça parce que Washington a claqué des doigts. Moi, je dois dire que je ne suis pas l'ennemi, encore une fois, du peuple américain. Nous avons beaucoup d'amis aux États-Unis d'Amérique, mais je suis révolté par cette lâcheté des dirigeants français. Quant au deuxième, Julian Assange, qui, lui, je crois, n'est même pas, d'ailleurs, citoyen américain. Bon. Il n'a trouvé de refuge, je crois, qu'à l'ambassade. Est-ce que c'est de l'Équateur ou d'un autre pays? C'est quelque chose comme ça, mais je ne m'en souviens pas. Mais en Grande-Bretagne. Ah, oui. Il fait l'objet d'une inculpation de la part de la Suède qui n'a d'autre but que d'obtenir son extradition en Suède pour le renvoyer aux États-Unis afin qu'il y soit jugé, condamné à perpétuité, peut-être même à mort, d'ailleurs. Bon. Cette inculpation est absolument grotesque. C'est une inculpation, soi-disant, de viol. Ça émane de deux jeunes femmes qui auraient couché avec lui à quelques jours de distance, quand même. Bon. La première déclare qu'elle était consentante pour le premier rapport sexuel, je m'excuse pour les jeunes auditeurs de Radio Courtoisie, mais pas pour le deuxième. Ah, d'accord. Bon, autrement dit, elle est entrée, passez-moi l'expression, nous sommes entre hommes, si j'ose dire, elle est entrée à poil dans son lit, etc. Bon, et elle dit, voilà, c'est un viol. La deuxième se plaint d'une rupture de préservatif ou quelque chose comme ça. Ce prétexte dérisoire, fait que ce type-là, qui est un informateur extraordinairement précieux, qui nous a révélé l'étendue de l'espionnage sur nos intérêts vitaux, l'étendue de l'espionnage des conversations téléphoniques de Hollande, de Merkel, par nos chers alliés de Washington, eh bien ce type-là, il ne peut pas sortir de l'ambassade du pays sud-américain Où il s'est réfugié à Londres, parce que sinon les Européens les livreraient à son bras. Je dois dire que quand on voit ça, on mesure à ces deux éléments la situation de vassalité complète dans laquelle nous sommes. Une vassalité, ça va même plus loin que la vassalité, parce que le vassal a des droits. Oui. Donc ça, c'est vraiment l'esclavage. Bon, je vous rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie pour le libre journal de la liberté surveillée, et que je reçois ce soir Bruno Gollnisch. Alors, quelques messages. C'est un vrai régal d'écouter Bruno Gollnisch, qui sait agréablement mêler les considérations théoriques avec sa propre histoire. Merci, merci beaucoup. Monsieur Gollnisch, en Europe, il y a le problème économique, mais ce n'est pas le seul. Bien sûr que ce n'est pas bien le seul. On y est venu. Et d'ailleurs, on va continuer à y aller. Bien sûr. Il y a le problème démographique qui est essentiel. Oui, mais ne faites pas comme Henri de Lesquin. Toutes les réponses à vos questions. Non, je voulais continuer sur cette idée de traités inégaux. Est-ce qu'en Europe, puisque vous êtes député, je voudrais vraiment vous faire parler sur l'Europe, est-ce que la soumission des droits nationaux au droit européen n'est pas aussi quelque chose qui s'apparente aux traités inégaux, parce que c'est finalement la prise en charge du droit et donc de la politique de tous les États par oui. Oui, certes, mais là aussi, ce sont nos dirigeants qui sont responsables, parce que, n'est-ce pas, nous avons un article de notre Constitution, qui est de mémoire l'article 55, qui affirme la supériorité des traités sur les lois. On pourrait ne pas en avoir. Il pourrait y avoir des lois contraires à des traités. À partir de ce moment-là, ça devient éventuellement un contentieux international. Et les tribunaux français appliquent la loi française. C'était le cas avant. Ouais. Oui. Y a des arrêts qu'on apprend comme ça dans les facultés de droit, fabricants des semoules de France, etc. Enfin bon, qui disent, le Conseil d'État dit, écoutez, moi, j'applique la loi française, vous me dites qu'elle est contraire à un traité, c'est possible, mais à ce moment-là, c'est un problème qui relève de la haute politique, en quelque sorte, qui relève du service diplomatique de l'État. Et ça ne relève pas de ma compétence. Bon. On a mis fin à ce système en proclamant en 58 la supériorité du traité sur la loi. Et l'on dit à peu près, je cite à peu près de mémoire, hein, qu'on ne m'en veuille pas si on vérifie le texte et si j'ai... On dit à peu près ceci, les traités internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois françaises, sous réserve de leur application par l'autre partie. D'accord. Sous réserve de leur application par l'autre. Il y a quand même cette clause de réciprocité qui n'est jamais mise en œuvre par nos dirigeants. À quoi servirait-il de la mettre? Est-ce que ça aurait une efficacité pratique? Pourrait avoir une efficacité pratique. Si le ministère des Affaires étrangères disait « Je constate que tel traité n'est pas appliqué intégralement par nos partenaires », il me semble que les juridictions françaises seraient liées par cette interprétation et devraient dès lors suspendre, à tout le moins, la supériorité du traité sur les lois. Donc, vous dites, excusez-moi, vous dites que l'application stricte et intelligente de l'article, pas 330, mais 55 permettrait, en quelque sorte, de faire constamment des contre-jeux en Europe pour renégocier peut-être des traités. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de traité de non-réciprocité flagrante, par exemple, sur lequel on pourrait attaquer? Oui, par exemple, il était convenu dans les traités que les sessions plénières du Parlement européen devaient avoir lieu à Strasbourg. Et on s'est laissé dépouiller de cela, puisque maintenant les sessions de Strasbourg durent à peine 3 jours et demi. On a supprimé le vendredi, et puis on a réduit leur nombre. Puis on a construit dans l'illégalité la plus totale, sans que la France proteste, un gigantesque hémicycle à Bruxelles, alors qu'à Bruxelles, il ne devait y avoir que des réunions de commissions ou des réunions de groupe. Donc c'est pas légal, politique. C'est pas conforme au traité. Mais c'était pas conforme au traité, mais ça fait rien, on l'a fait quand même au vu et au su de tout le monde, et en particulier au vu et au su de la France. et je disais aux divers ministres des Affaires européennes français, mais protestez, faites quelque chose. Il est vrai que ce n'est pas le Parlement qui construisait lui-même. On faisait construire, mais nous le voyions à l'époque de nos fenêtres, on a fait construire sur des fonds privés, bancaires. C'est gigantesque, oui, et dans absolument, et tout ce que je mais dis... Mais c'est un véritable scandale, international. Mais c'est un scandale, ça aurait dû être un scandale international, une fois de plus. Et dans la dernière journée, croyez-moi si vous voulez, du mandat du président socialiste espagnol du Parlement européen à l'époque, M. Baron Crespo, une voiture est venue le chercher et il a signé le bail de location au nom du Parlement européen pour un montant faramineux qui met la minute de séance à des centaines de milliers de donc en plus de mafieux, vraisemblablement. D'euros. Bon, on a commencé à faire de petites cessions et puis on a voulu en étendre la durée et puis on a voulu diminuer le nombre de celles de Strasbourg. On avait déjà diminué le nombre de jours. Ça devrait être du lundi au vendredi. Ça n'est plus que du lundi soir au jeudi midi. D'accord ? Bon. Et alors ensuite, on est passé de 12 à 11. Là enfin, Michel Barnier, je crois, suivant, je ne sais pas si ce sont mes recommandations insistantes, mais a fait saisir la Cour de Luxembourg, qui est la Cour de justice de l'Union européenne, qui n'a pu que donner raison à la France. On est revenu à 12 sessions. Voilà. Donc, on aurait pu se servir de cet élément. Bon, peut-être mineur, pour dire, écoutez, le traité n'est pas complètement appliqué, eh bien, dans ces conditions, nous refusons d'appliquer ceci ou cela qui nous gêne. Voilà. Donc, ce que vous êtes en train de dire, par exemple, c'est que... On demande au Front National, mais oui, mais si vous étiez aux affaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a moyen, une volonté politique, il y a des moyens techniques et juridiques de renégocier. C'est ce comme disait ma bonne grand-mère paternelle, pour m'encourager les déficiences... de son petit-fils, quand on veut, on peut. Et c'est vrai dans ce domaine comme dans d'autres. Bon, mais est-ce que le système est réformable aujourd'hui? Il faudrait, c'est vrai, l'unanimité des 28 États membres. Je pense qu'il faudra taper du poing très sérieusement sur la table, sinon se retirer, ce qui est possible. Il y a un article 50, je crois, des traités qui le permet, se retirer et faire autre chose. Mais vous savez, il y a d'autres formes de coopération européenne. Par exemple, à Strasbourg, vous avez un autre bidule qui s'appelle le Conseil de l'Europe. Oui. Voilà, qui réunit des assemblées, qui a une assemblée parlementaire qui se compose non pas comme le Parlement européen de gens élus, spécialement à cet effet, mais de délégation des parlements des États membres qui, à date fixe, envoie une petite délégation. Bon, alors l'objet est beaucoup plus restreint. L'objet est beaucoup plus restreint que celui de l'Union européenne. Mais vous avez quantité de formes de coopération entre pays d'Europe. Nous sommes liés de toute façon par, je crois, 4 ou 5 000 traités avec le reste du monde qui subsisteraient même si nous n'étions plus dans le dispositif de l'Union européenne. Nous sommes membres des Nations unies, membres du Conseil de sécurité des Nations unies, membres permanents, nous sommes partis des 5, sommes membres de quantité de toutes les agences subdéléguées, de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de l'Union postale universelle, de l'Organisation internationale de la navigation maritime, que sais-je. Enfin, alors, quels sont justement, c'est une question qui date de très loin, ce que les général de Gaulle appelait les machins. À votre avis, maintenant que vous les connaissez bien, quelle est l'utilité des uns, des unes et des autres? Vous avez l'air de dire que l'Union européenne telle qu'elle a évoluer, n'est plus réformable et ne sert à rien, sauf... Je ne dis pas, excusez-moi, qu'elle ne sert à rien au sens où ce serait une coquille vide. C'est malheureusement, oui. C'est malheureusement une, ne sert positivement une machine, à rien. Oui. Une machine à broyer les identités, les peuples, et à ouvrir cet espace européen de force au mondialisme, à uniformiser les cultures, les références morales. Alors la nouvelle religion, c'est la promotion par tous les moyens et à tout bout de champ du LGBTI, lesbienne, gay, bi, trans et intersexuel. C'est très curieux, il règne une espèce d'ambiance messianique où, comme d'ailleurs dans toute révolution, on veut créer un homme nouveau. Enfin, un homme qui ne soit ni homme ni femme, d'ailleurs, tout à fait. Oui. Ni gris, ni noir, ni blanc, voilà. ni européen, ni autre tout à chose. Fait. Voilà. Tout à fait. Pas de limite, pas de frontière. Le monde, drapeau, c'est le mondialiste. C'est le projet mondialiste. C'est le projet mondialiste. Et donc, l'Union européenne ne sert plus qu'à ça. Oui, à l'heure actuelle, oui, c'est assez dramatique. Oui. Le projet de départ, qui était un projet européen, petit projet européen, l'Europe de Charlemagne, en quelque sorte, la réconciliation de la France et de l'Allemagne, oui, n'existe plus pour vous. Eh bien non. Et je vais faire un peu de publicité pour la concurrence, si j'ose dire, parce qu'il a longtemps été notre concurrent, encore que reprenant exactement nos analyses. Sur le fond, je pense à Philippe de Villiers, qui vient de publier un livre intéressant qui doit s'intituler « Le moment est venu de dire ce que j'ai vu ». Oui. Et effectivement, Philippe de Villiers, avec un talent certain d'écriture, dit un certain nombre de choses qu'il a vues. Il ne dit pas tout, à mon avis, mais ça, je réserverai pour lui mes observations. Mais j'ai été très frappé par le fait qu'il présente la question que vous posez, une réponse qui est très exactement ce que m'a dit un jour Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire, il y a un projet de destruction ou au moins d'érosion des nations. Mais nous serions contre, de toute façon, si c'était pour créer une nation européenne, qui pourrait être cette Europe carolingienne que vous évoquiez. Mais ça n'est même pas pour créer une nation européenne. Il n'y a plus ça. Et c'est très exactement ce qu'un jour, de délire plus grave encore que les autres de la part de la majorité de cette institution, c'est la réflexion que Jean-Marie Le Pen m'a faite. Il m'a dit, s'ils avaient comme projet de détruire les nations, mais pour créer une nation européenne, nous serions bien sûr contre. Mais il pourrait y trouver dans ce projet quelques justifications. Oui, mais espoir contre espoir. Mais ce n'est même pas cela. C'est-à-dire qu'il y a une véritable hostilité au patrimoine européen dans cette institution, à ce qui fait la spécificité de l'Europe. On l'a vu à propos du débat sur les valeurs chrétiennes, par exemple. Bon, sur l'héritage chrétien en Europe. Mais dans beaucoup d'autres domaines... La question des mœurs, c'est clair. La question des mœurs, c'est la question, bien sûr. La question aussi de l'extension à la Turquie, au Maroc... Tout à fait. Les négociations avec la Turquie ont repris, ce qui est extravagant, parce que si la Turquie entrait, je respecte beaucoup la Turquie. Je respecte beaucoup la Turquie, je respecte les Turcs. C'est un peuple fier. Bon, il a eu... c'est tort dans l'histoire, c'est certain, mais qui pourrait faire un pont utile entre justement l'Europe et l'Asie. Mais ça n'est pas un pays européen. Récemment, j'ai participé, il y a deux mois, en novembre, j'étais délégué par le Parlement européen, nous étions six, au titre de mes collègues, de diverses sensibilités, à ce qu'on appelle la COSAC, bon, qui est une... Ça veut dire quoi, la COSAC? Je crois que c'est la conférence, c'est un acronyme anglais, Actors, bon... Et ça sert à quelque chose, ça? Non, ça, pas plus que le reste, mais enfin... non, mais c'est pas inintéressant, parce que c'est une conférence, je veux dire, le principe est le suivant... Il y a des délégations des parlements nationaux de chaque État membre. Oui. D'accord ? Il y avait trois sénateurs français, trois députés français, pour vous donner cet exemple. des Lituaniens, des Estoniens, des Croates, des Britanniques, des Allemands, Maltais. Les 28 États membres, plus une délégation du Parlement européen. Nous étions 6. Bon. Pas 6 du Front National, hein. J'étais le seul, évidemment. On échange des points de vue. Bon. Et évidemment, on a beaucoup parlé du terrorisme, de la sécurité, etc. Les événements finissant quand même par ouvrir les yeux au plus aveugle. Bon. Encore que l'écriture dit avec très justement qu'il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir et pire sourd que celui qui ne veut entendre. Bon. Mais on a parlé de la possibilité que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne, et il m'a semblé d'ailleurs que le représentant britannique de la Chambre des communes, patron de la Commission des affaires européennes à la Chambre des communes, oui, était tout à fait... Pour la sortie. Alors là, je n'ai pas sûr d'être majoritaire dans son pays, mais bien sûr. Et puis, on a parlé de ce renouveau des adhésions de la Turquie, qui pratiquement suscitait très peu de protestations. Je dis, mais enfin, écoutez, la Turquie n'est pas un pays européen. Elle ne l'est pas par sa géographie, un peu un dixième de son territoire. Voilà, bon, une petite partie de son territoire. Sa population n'est pas d'origine européenne. Sa religion n'est pas européenne. Son histoire est celle d'un affrontement avec les autres pays d'Europe. La Turquie peut être un pont entre l'Europe et l'Asie, et notamment avec ces pays très intéressants de l'Asie centrale, où les Turcs sont où les turcophones sont nombreux, mais ça n'est pas un pays européen. Et si la Turquie entre en Europe, ce sera le pays dominant, parce que ce sera le plus peuplé. Vous parliez de démographie tout à l'heure. Bien sûr. Eh bien, la réponse m'a été apportée, ce qui est extravagant, non pas d'ailleurs par les politiques, mais par un haut fonctionnaire de la Commission, qui m'a dit, mais monsieur Gollnisch, la Turquie est en Europe, tenez-vous bien, je cite mot à mot, la preuve, elle fait partie du Conseil de l'Europe. Ah bon? Alors, oui, effectivement, bon, dans ces conditions... Elle est régulièrement inscrite. Argument, mais, alors, moi, je suis partisan pourquoi pas, de l'adhésion du Japon à l'Union européenne dans ces conditions-là, parce que le critère semble être un critère purement idéologique. C'est ce qu'on appelle les critères de Copenhague, idéologiques et économiques quand même, et financiers. Bon. Et les fameux critères de Copenhague. Mais le Japon, il est parfaitement prêt. Bon, c'est un État démocratique, c'est un État qui respecte aujourd'hui tout à fait les droits de l'homme, qui a un système judiciaire moderne, performant, et qui remplirait tout à fait ces critères. Voilà. Si on a une définition purement idéologique de l'Europe... mais comme certains, il faut bien le dire, ont une définition purement idéologique de la France. Absolument, mais c'est à la fin de l'Empire romain, vous avez cette tentation d'avoir une définition idéologique de l'Empire. Oui. Voilà, après, quand il n'y a plus de citoyenneté à partir de l'édit de Caracalla, oui, absolument. C'est clair. Je précise pour les auditeurs, l'édit de Caracalla qui donne à tous les habitants de l'Empire... Le droit de cité. La citoyenneté, le statut de citoyen romain, qui romain. Auparavant... Voilà. 212. Le citoyen romain qui était chichement mesuré. Et c'était naturellement bon. Et Juvénal va s'écrier « Rome n'est plus dans Rome et l'Oronte, fleuve de Turquie, dirions-nous aujourd'hui, d'Asie mineure à l'époque, se jette dans le Tibre. Ce qui était... L'Oronte, pour moi, est plutôt syrien, mais il faut dire que dans ce coin-là, ils ont pas mal chopé les Turcs avec le sang-jog. C'est peut-être vous qui avez raison, oui. C'est ce qui était une façon... L'Oronte se jette dans le Tibre, c'était déjà une façon... de protester contre l'immigration massive et sauvage. Et bien sûr. Alors, mais quand même, il y a une chose, vous pensez que cette Europe n'est pas réformable, mais historiquement, elle a servi à faire la paix, il faut bien le dire, mal ou bien, mais c'est à ça qu'elle a servi. Alors, est-ce que l'ordre des nations que vous entendez rétablir ne va pas en même temps rétablir les conflits, surtout avec les nationalistes viennent au pouvoir, qui sont des gens qui tiennent énormément à leur territoire, est-ce que ça ne va pas relancer la guerre en Europe? Alors ça, c'est ce que Mitterrand, sur la fin de son mandat et de sa vie, est venu dire au Parlement européen, dans un discours dont on a retenu que cette phrase, le nationalisme, c'est la guerre. C'est la guerre, bon. C'est ça. En réalité, son discours était assez brillant, fait de chic, sans notes, très politiquement incorrect par d'autres côtés. Ah oui ? Il exprimait sa sympathie avec le soldat allemand se battant lors de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Enfin, montré capable d'empathie. Là, pour le coup, d'une véritable réconciliation. Oui. Mais je dois dire que ce discours a été suivi d'une réception où il y avait des centaines de personnes, peut-être 700 ou 800 personnes, dans les grands salons de la préfecture de région d'Alsace, à Strasbourg. Nous y sommes allés, Jean-Marie Le Pen et moi, et nous nous trouvions en discussion avec Robert Hersant, député UMP, enfin... RPR à l'époque, ancien patron, propriétaire du groupe Hersant, donc du Figaro. Et de grosses choses. Hein, oui. Et de beaucoup d'autres journaux. Et nous avons vu l'arrivée de Mitterrand au milieu de cette foule, et à la grande stupeur de ceux qui l'accompagnaient, j'entendais le service de sécurité, avec les oreillettes, dire dans les micro-cravates, attention, attention, ils se dirigent vers les députés du Front National. Députés du Front National, on était deux, hein, puis Robert Hersant. Bon. Et ils se plantent devant Hersant et Jean-Marie Le Pen. Et Robert Hersant était tellement stupéfait qu'il n'a articulé aucun propos, et Mitterrand, avec ironie, lui a dit « Eh bien, vous ne me reconnaissez pas ?» et Le Pen a embrayé tout de suite en disant « Écoutez, monsieur le Président, le nationalisme, c'est la guerre, vous êtes quand même allé un peu trop loin, parce qu'on a beaucoup plus tué au cours du siècle écoulé, au nom de l'internationalisme que du nationalisme. » Oui, ou d'idéologie qui n'était pas nationale. Voilà. Et alors Mitterrand avait un petit clin d'œil et a dit « Je vous ai bien eu, n'est-ce pas ?» Voilà. Est-ce que donc il croyait à son discours ou pas, ça je ne sais pas. Mais toujours est-il que je crois que la paix n'est pas revenue à cause de l'Union européenne. Après, c'est vrai, ces terribles guerres mondiales qui ont été de terribles guerres civiles européennes. La paix est revenue d'abord à cause de l'épuisement des combattants. Ça. Hein, je pense. Tout le monde était saigné. Ça, tout le monde était saigné, au sens littéral du terme. Bon, premièrement, et deuxièmement, de l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui était, le monde dit libre, bénéficiait quand même, il faut le reconnaître, à l'époque, de la protection, fut-elle intéressée, là n'est pas le problème, des États-Unis d'Amérique, et l'autre était sous la botte soviétique, et les deux blocs se défiaient, parce que le premier qui mettait un pied sur le territoire de l'autre, eh bien, risquait de se prendre l'arme nucléaire, voilà. Et c'est ça qui a maintenu la paix. À partir du moment, il faut bien reconnaître, où cet équilibre s'est délité, et notamment où le communisme a disparu, le mondialisme s'est remis de la partie. Je vous rappelle que l'Union européenne a réintégré l'OTAN, alors qu'en principe, l'OTAN aurait dû être dissous à partir du moment où le pacte de Varsovie qui liait les pays communistes l'était. Bon. Oui. Non seulement il n'a pas été dissous, mais il a servi à une guerre d'agression contre la Serbie. Oui. Contre la Serbie, alors que d'ailleurs l'ex-Yougoslavie ne faisait pas partie des territoires qui relevaient du traité de l'Atlantique Nord. Absolument pas. Si la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne se décidait à la majorité du Conseil européen, bien. Nous aurions été obligés de participer à la Deuxième Guerre du Golfe. Exactement. Et dont on voit aujourd'hui les résultats désastreux, c'est-à-dire la déstabilisation de tout le Moyen-Orient, l'émergence de l'État islamique et tout ce qui s'ensuit. Bon, par conséquent, je ne suis pas du tout persuadé que l'Union européenne soit un facteur de paix. Je pense qu'au contraire, elle active les tensions. Voyez, par exemple... En Ukraine En Ukraine, bien sûr, bien sûr. Mais aussi, par exemple, en Grèce. Voyez la situation des Grecs, leur ressentiment aujourd'hui à l'égard... de leurs créanciers, peut-on dire, oui. allemands. Ah oui, maintenant, il y a un anti-germanisme. Il eût été impensable, il y a 20 ans, quand la Grèce ne faisait pas partie de l'Union européenne, qu'on voit le chancelier allemand, enfin, en l'occurrence, la chancelière, représentée à la une des journaux grecs avec des croix gammées, etc. Bon, oui. Il y a un facteur au contraire de alors on peut dire que l'Europe c'est la guerre en quelque sorte je dirais pas que l'Union européenne c'est la guerre, je dirais que l'Union européenne pour le moment je n'irai pas jusque là, je dirais que l'Union européenne nous impose notamment par les facilités qu'elle offre à l'immigration massive une société multiculturelle et l'histoire montre que les sociétés multiculturelles sont toujours des sociétés multiconflictuelles. Eh bien, je vous rappelle sur cette belle phrase que nous sommes sur Radio Courtoisie pour le Libre Journal de la Liberté Surveillée. Et je reçois ce soir Bruno Gollnisch, qui est parfaitement brillant, mais j'ai aussi des ce ne sont pas des questions, ce sont des observations. Oui, mais bien sûr. Quelqu'un me signale... Fût-elle critique ou hostile ? Oh, même pas du tout, ce sont des compléments. Quelqu'un me signale « La guerre secrète contre les peuples » de Claire Sevrac, édition Elie et Mado. Dans ce livre, page 212, 213, 214, il est écrit que les Américains pourraient faire des guerres climatiques. Oui, c'est très intéressant. La justice américaine a condamné la SNCF pour complicité de crimes contre l'humanité parce que la SNCF avait livré des wagons à l'armée allemande pour déporter des juifs à 60 millions de dollars. Toute l'économie française en zone occupée était asservie. C'était tout à fait absurde. C'est absurde. Tout. C'est comme si on faisait grief à quelqu'un qui est... Qu'est-ce que nous avons actuellement qui obéit à un agresseur lequel dispose d'un pistolet braqué sur sa tempe. C'est absolument ça. Bien sûr. Il faut dire que l'Europe a fait la paix, nous l'avons dit. Alors, si la France avait accueilli Snowden, elle l'aurait livré dès le lendemain aux États-Unis, ou c'est ce que vous disiez. Ah ben, moi j'étais en faveur qu'elle l'accueille pour l'héberger, bien sûr. Pas pour le livrer. Alors, sur Snowden, n'a-t-il pas été eu l'hospitalité en Russie ? Si, vous l'avez dit tout à fait. Du fait, il est toujours en Russie. Hein, il est toujours en Russie. Il n'y a que la Russie qui l'a hébergé, finalement. Là, c'est quelqu'un qui a bien entendu. L'Airbus a été fabriqué. Ce n'est pas l'Union européenne qui l'a. Non, c'est ce que vous avez dit. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, c'est un consortium industriel entre avionneurs européens. Où la France a une bonne part avec l'aérospatiale. Alors, personne ne parle du projet ITER. On peut en parler, effectivement. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est une... Dans le domaine de nucléaire, de l'énergie, oui, bien sûr. Et de la fusion, etc. Oui, bien sûr. Alors, j'ai une question qui est plus personnelle. Comment les Japonais et les Japonaises qui vivent un peu en France perçoivent-ils notre pays ? Mais je crois qu'ils l'aiment beaucoup. D'abord, s'ils y vivent et s'ils y résident, c'est qu'ils s'y trouvent bien, évidemment. Ils ne sont pas très nombreux, d'ailleurs. Hein. C'est une communauté, généralement, soit d'étudiants, certains hommes d'affaires, les diplomates, des journalistes. Voilà, ce sont des gens qui se tiennent bien, en règle générale, et qui aiment la France à cause de notre culture, dans tous ces éléments. Mais quelquefois, c'est vrai, c'est plutôt les touristes japonais, et je pense demain les touristes chinois. Parce qu'on peut penser ce qu'on veut de la Chine, mais c'est un pays quand même où la délinquance, où les troubles à l'ordre public ne sont pas très bien vus. Quand un certain nombre d'Asiatiques débarquent en Europe, et spécialement en France, ils sont raquettés pratiquement dès leur sortie de l'aéroport. Moi, je me souviens comme ça, j'avais, dans un avion qui me ramenait du Japon, j'avais noué avec mon voisin en avion, comme le séjour, le voyage dure 12 heures, on a le temps de parler. Un homme d'affaires japonais, un peu âgé, tout à fait charmant, et qui aimait beaucoup la France et qui venait en France pour refaire sa provision de vin français. Bon, et qui aimait beaucoup notre pays et pas seulement son pinard. Bon, mais aussi ses richesses artistiques, etc. Bon, j'avais eu un très bon contact avec ce monsieur et nous arrivons à Roissy, nous sortons de l'aéroport et je venais de passer 15 jours au Japon, c'est un pays dans le métro, il n'y a pas un ticket qui traîne, les banquettes sont en velours, il n'y a pas un coup de canif, les tags, ça n'existe pas, etc. Bon, nous arrivons à Roissy, un tas d'immondices. C'était la grève des éboueurs. Bon, je n'étais pas très fier de l'aéroport Charles de Gaulle, bon, avec mon hôte. Nous décidons de prendre un taxi en commun pour aller à Paris. Et là, nous assistons à une rixe. Nous assistons à une rixe entre les chauffeurs de taxi pakistanais et puis et arabes, je crois, ou quelque chose comme ça. Et on a eu le plus grand mal, pratiquement. On a kidnappé un chauffeur de taxi. On l'a enlevé à cette bagarre pour... alors qu'au Japon, les chauffeurs de taxi sont en gants blancs. Bon, leur voiture toujours nickel. Et puis nous finissons par prendre le RER. Le RER le long de la Seine, là. Et puis... c'était sale, c'était dégueulasse. Et puis, il y avait un clochard qui était assis sur le quai avec les jambes... sur le quai Oui, les jambes dans le... ballantes, quoi. là où le train allait arriver. Alors, personne ne bougeait, personne ne faisait rien. Alors, je tape sur l'épaule du clochard. Je dis, écoutez, monsieur, il faut enlever vos jambes de là parce que... Sinon, vous les perdrez. Voilà. Alors, le type, qui devait être saoul, d'ailleurs, me dit, j'ai mal aux jambes. Je dis, ça, c'est un problème qui va être réglé très rapidement. Bon. Et finalement, avec mon homme d'affaires japonais, on prend notre malheureux clochard par le bras et on le tire... En arrière. On le tire en arrière pour qu'il évite d'avoir les jambes coupées par le train qui arrive. Je me suis dit, après coup, mais quelle image on donne à ce type, cet étranger qui était amoureux de la France et qui, débarquant chez nous, doit penser que nous sommes en voie de tiers-mondisation. Vous savez que ça a des conséquences directes. Le Paris n'est plus aujourd'hui la première ville de destination touristique. Mais ça, je pense que l'insécurité et la saleté, faut dire que la gestion socialiste était catastrophique. Nous avons encore 3 minutes. C'est dommage, j'avais 15 millions de questions à poser. Alors, je ne sais pas... Oui, comme il y a une expression très forte que vous utilisez, que vous shippé à Bukowski, le dissident russe, vous parlez de l'Union soviétique européenne quand même. J'aimerais bien que vous en disiez 3 mots. On peut considérer que c'est un terme de polémique politique. Oui, mais la polémique, ça consiste aussi à frapper, bien sûr, à frapper les esprits. Mais écoutez, c'est un petit peu, ça n'est pas sans analogie parce que dans l'Union soviétique, théoriquement, les peuples étaient libres. C'était une association de républiques socialistes égales qui avait même vocation primitivement à s'étendre aux limites du monde, puisque c'était la patrie des prolétaires et des paysans. Et d'ailleurs, c'était si vrai que les prolétaires et paysans, selon la constitution de 1922, je crois, avaient le droit de vote en Union soviétique. Ils pouvaient venir du monde entier pour voter en Union soviétique, voter pour le Parti communiste exclusivement. Et le congrès du parti s'était terminé par « Vive l'Union des républiques socialistes soviétiques du monde ». Eh bien, c'était quand même un système extraordinairement contraignant. C'était un système totalitaire qui prétendait embrasser tous les domaines de la vie humaine. Et c'était un système qui reposait sur une idéologie dont on n'avait pas le droit de s'abstraire sous peine d'être considéré comme hérétique. Ben, je vois là quand même un certain nombre de points de ressemblance. Toutes choses égales par ailleurs, bien sûr. Pour l'instant, les contraintes physiques sont moins fortes. Avec l'Union européenne. Mais les contraintes morales sont tout aussi fortes. Les contraintes morales sont tout aussi fortes, oui. C'est ce qu'on appelle le politiquement correct. Absolument. Qui, voilà. Alors, il y avait une dernière question, vous n'aurez pas le temps de la traiter, parce que nous avons une minute. J'aurais voulu qu'on parle... Une minute, c'est une grande intervention au Parlement européen. Une minute et demie, c'est bien. Oui. Bah, c'est bon. Alors, oui. Donc, pour parler du 10e anniversaire du référendum de 2005, hein, c'est pas rien. C'est quelle escroquerie, ce référendum. Le traité constitutionnel européen rejeté par les Hollandais et par les Français est ressorti sous forme, par la voie parlementaire, sous forme de traité de Lisbonne. J'étais président de groupe à l'époque. J'avais rencontré Sarkozy, qui était venu rencontrer les présidents de groupe parlementaire. Je lui ai dit, ce traité de Lisbonne, il faut le faire passer par référendum, puisque vous aviez fait présenter la Constitution au référendum, et que c'est la même chose. Et vous savez ce qu'il m'avait répondu ? Il m'avait répondu, je ne le ferai pas parce que je ne suis pas sûr du résultat. Et si je le fais, Blair sera obligé de faire la même chose en Angleterre, et là je suis sûr du résultat, les Anglais seront contre. Autrement dit, les peuples sont contre, essayons de contourner les peuples. Eh bien, c'est sur cette superbe conclusion que nous allons vraiment conclure. Merci Bruno Gollnisch. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir chers auditeurs, et encore une fois, bonne année. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 6 janvier 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 7 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix, franc de port, de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.